Chapitre 44. Le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on emporta mon enfant. C'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de grève qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore une heure pour m'habituer à tout cela.